Chapitre 14e. Surpris des façons mystérieuses de son neveu, Antoine se hâta de l'interroger. « Que se passe-t-il donc ? » « Avez-vous une heure à me donner ? » demanda le colonel. « Je vous écoute, » dit Antoine en s'asseyant. « Avant tout, permettez-moi une question. Mon oncle, quelles sont vos intentions ? Comment ? C'est-à-dire, que comptez-vous faire présentement ? Vous ne pensez pas reprendre votre travail, n'est-ce pas ? Ah, certes non. Il y a mieux à faire que de manier un ciseau. En vous adressant ma question, je prévoyais votre réponse. Vous ne pensez donc pas retourner rue de Charonne ? Mais au contraire, j'y pense. Il n'y a plus de raison maintenant pour que je ne rentre pas chez moi. Et c'est ce que j'aurais déjà fait si depuis 2 jours, j'avais eu une minute à moi. Permettez-moi de vous dire, mon oncle, qu'il y a au contraire des raisons, de très fortes raisons, pour que vous ne rentriez pas chez vous avec l'intention de vous y installer. Comment cela ? C'est précisément pour vous l'expliquer que je vous ai demandé cet entretien. Antoine avait jusque-là écouté un homme préoccupé qui pense à autre chose qu'à ce qu'on lui dit et qui voudrait bien s'en aller. Ces derniers mots le rendirent attentif. Sa préoccupation était remplacée par de la curiosité. « Hier, commença le colonel, nous sommes allés rue de Charonne, Thérèse et moi, pour voir, ou tout au moins pour savoir si l'on avait de vos nouvelles. Nous avons trouvé une grande animation dans les rues, et nous avons, en écoutant les groupes, entendu d'étranges choses. Il semble qu'il n'y a plus de Prussiens, et que le souffle de la République les a balayés jusqu'au fond de l'Allemagne. » Antoine haussa les épaules. « Je pense que ce n'est point là votre sentiment, » continua le colonel. « Ne prenez point la folie de quelques-uns pour le sentiment de tous, mon cher Édouard. Et pour savoir l'opinion générale, ne vous en tenez point à ce que vous entendez dans les rues. Les gens qui éprouvent le besoin de crier si fort leur opinion ont l'enthousiasme facile. Soyez certains que tous les esprits ne se laissent pas griser ainsi par les illusions. Nous autres, vieux républicains, qui avons le droit de parler de la République, nous savons bien que ce mot seul ne fera pas rentrer nos ennemis en terre. Nous savons aussi que 92 n'est pas facile à recommencer et que ce n'est pas aujourd'hui, au point où a été porté l'art de la guerre, qu'on improvise, du jour au lendemain, des armes et des armées. Enfin, nous savons encore qu'il faut compter avec l'influence pernicieuse que l'Empire a exercée pendant 20 ans sur la nation entière. Vous voyez donc que nous croyons au danger et que nous le regardons en face tel qu'il est, c'est-à-dire terrible. Alors vous croyez au siège de Paris ? Certes, oui. Et vous ne vous imaginez point que c'est avec des phrases, fussent-elles les plus éloquentes du monde, ni avec des sentiments, fussent-ils les plus nobles, qu'on va arrêter les armées allemandes. Soyez sûr que l'Allemagne est à son tour emportée par le vertige de la conquête, et qu'elle ne consentira pas à une paix juste ou raisonnable, elle ira jusqu'au bout. Et le bout, présentement, c'est le siège de Paris. Je sens cela. Qu'adviendra-t-il de ce siège ? Oui, qu'adviendra-t-il ? Vous êtes un soldat. Parlez en soldat. Précisément parce que je suis un soldat, je suis, jusqu'à un certain point, je le reconnais, incapable de vous donner une opinion juste. En effet, je vois d'un côté un des combattants admirablement organisés au point de vue militaire, possédant tout ce qui assure le succès, un général, des armes et des soldats. Et de l'autre, je vois son adversaire ne possédant rien de tout cela. Vous devez donc comprendre que moi, soldat, et précisément parce que je suis soldat, je n'ai pas, en présence d'une pareille situation, toute l'impartialité nécessaire. L'influence du métier pèse sur moi. D'un côté, je vois une force connue, l'armée prussienne, que je peux peser et dont je peux, jusqu'à un certain point, calculer la puissance. De l'autre, je suis en face d'une force inconnue, l'élan national, dont je ne peux pas calculer la résistance. En conséquence, il ne faut pas attacher trop d'importance à mes jugements. Je vous l'ai déjà dit, mon oncle, et je vous le répète. De plus, je suis encore influencé par des entretiens que j'ai eus avec plusieurs de vos généraux, qui, par malheur, n'ont pas foi dans la résistance de Paris. À une armée telle que sera celle de Paris, il faudrait des enthousiastes, et elle a pour la commander des critiques. « C'est votre opinion que je demande, » dit Antoine, et non celle de ceux avec qui vous avez pu vous entretenir. Je ne crois pas à une attaque de vive force. Mais je crois à un siège plus ou moins long, avec toutes les conséquences d'un siège, bataille, bombardement. Et voilà pourquoi j'ai voulu vous entretenir. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il ne s'agissait point d'une chose qui nous fût exclusivement personnelle. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis arrivé à la conviction que je viens de vous exprimer. Mais c'est depuis votre retour à Paris que m'est venue l'idée que je vais vous soumettre et pour l'exécution de laquelle j'ai besoin du concours de Thérèse. Thérèse ? S'écria Antoine, stupéfait et ne comprenant pas comment Thérèse pouvait surgir tout à coup au milieu d'un pareil sujet. Oui, Thérèse. Lorsqu'on a vu que le siège devenait menaçant, certains esprits auraient voulu qu'on fît sortir de Paris les femmes, les enfants, les vieillards, et tous ceux qui ne pouvaient pas devenir de véritables soldats. Cela aurait éternisé la défense. Mais cela n'a pas été fait. Les femmes sont restées. Il faut les utiliser, et elles peuvent rendre plus de services qu'en s'organisant en bataillon d'Amazone. Mon intention est de former une ambulance ici, et j'ai besoin de Thérèse. À vrai dire, même cette ambulance n'est possible qu'avec Thérèse. Mais, le colonel ne se laissa pas couper la parole, avant de me répondre, je vous prie de m'écouter jusqu'au bout. Si vous avez des objections à faire à mon projet, attendez que vous connaissiez ce projet dans son entier, et que vous ayez pu le juger dans son bon comme dans son mauvais. Ce n'est point votre projet que je veux juger. Écoutez-moi, mon oncle. Si le siège de Paris est ce que j'imagine, il est certain qu'il n'y aura pas assez d'ambulances et que l'initiative privée devra venir en aide à ce qui existe en ce moment. D'ailleurs, les ambulances, telles qu'on les comprend en France, laissent beaucoup à désirer. Et nous autres Américains, nous avons fait pendant notre guerre des expériences que je trouve utiles d'introduire ici. Je veux donc ouvrir mon jardin d'ambulances sous tente. Sous tente ? Mais nous allons bientôt entrer dans la période du mauvais temps, ne l'oubliez pas. Ne craignez rien. Nos ambulances telles que nous les construisons défient tous les mauvais temps, même le froid le plus âpre. Si les minutes ne nous étaient pas mesurées, je vous donnerais, à ce sujet, des explications qui vous convaincraient. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour le moment. Vous parliez de Thérèse. Justement, les blessés n'ont pas besoin seulement de soins matériels, de bons lits, de pansements habiles, de bonne nourriture. Il leur faut encore des distractions et de la gaieté, une sorte d'hygiène morale. Je vous en parle en connaissance de cause, moi qui ai passé 3 mois sans pouvoir sortir. Ces soins moraux, ce sont les femmes seules qui peuvent les donner. Vous ne sauriez croire combien un sourire de femme est doux pour un pauvre diable de blessé, que la tristesse et le désespoir abattent. Il arrive souvent qu'un blessé, à qui on a coupé un bras ou une jambe, est plus malade moralement que physiquement. Il réfléchit qu'il a 20 ans, qu'il est estropié, et que la vie, quelle qu'elle soit, aura des tristesses pour lui. Et il passe ainsi des heures qui ne sont pas gaies. Alors il a besoin, sous peine d'être empoigné, et même emporté par la fièvre, d'être égayé et réconforté. Une femme s'approche de lui, elle lui parle, elle lui sourit, elle le sauve. J'ai vu cela en Amérique. Combien cet effet ne doit-il pas être plus puissant en France, où les Français sont beaucoup plus sensibles à l'influence féminine que les Américains. Je veux que cette influence s'exerce dans mon ambulance, et vous voyez comment j'arrive nécessairement à Thérèse. Oui, je vois, mais... Vous me direz que j'ai ma femme de charge. Sans doute, Madame Bénard est une excellente femme, et je compte bien qu'elle nous rendra de grands services, par son esprit d'ordre et d'organisation. Mais en dehors de ces 2 qualités, très grandes chez elle, et qui nous seront très utiles, elle n'a rien de ce que je veux, c'est-à-dire de la bonté, de la douceur, de la gaieté, en un mot, du charme. Vous êtes assez artiste, mon oncle, pour savoir combien la grâce ou la beauté exercent d'influence en ce monde, et précisément, Thérèse a, au plus haut point, cette grâce et ce charme. Tout en parlant et en pesant ses paroles, le colonel observait avec soin la physionomie de son oncle pour voir quel effet ce discours produisait sur lui. Car c'était un vrai discours qu'il avait préparé, aussi bien dans la partie qui s'appliquait à la guerre et qui avait pour but de toucher le sentiment patriotique du vieux républicain, que dans celle qui s'appliquait à Thérèse et qui avait pour but d'émouvoir le père. Il le vit sourire. Alors il continua plus vivement. Une autre raison, qui rend encore la présence de Thérèse indispensable ici, c'est une raison d'ordre et de convenance. Il n'entre pas dans mes vues, en effet, de m'enfermer dans cet hôtel pour me faire ambulancier. Je crois que je pourrais être plus utile ailleurs. Et plus tard, je vous expliquerai mes intentions à ce sujet. Ce que je veux dire en ce moment, c'est que puisque je ne puis pas rester ici, il faut que je sois représenté par quelqu'un qui ait le droit de parler avec autorité et Thérèse aura ce droit. Une petite fille. Cette petite fille est ma cousine, et par cela seul, on écoutera ce qu'elle dira et on lui obéira. Vous voyez donc, mon oncle, quel service Thérèse peut rendre, et je crois que nulle part ailleurs, elle ne pourrait remplir un rôle plus utile. C'est pour la patrie que je vous la demande. Lui avez-vous parlé de ce projet ? Certes non, et avant tout, j'ai voulu vous le soumettre. Il n'y a qu'une personne avec laquelle je m'en sois expliqué. Cette personne, c'est Soriol. Hier soir, ne vous voyant pas venir, et ayant la Soriol, c'est-à-dire l'oncle de Thérèse, qui en cette qualité a de certains droits sur elle, je l'ai consulté, car mon projet demande à être mis vivement en exécution, et tout retard lui est préjudiciable. Je lui ai dit ce que je voulais faire et lui expliquer quel service Thérèse pouvait nous rendre. Il a pleinement approuvé mon projet, et si bien approuvé même qu'il veut se consacrer aussi à son exécution. Il a pris son appartement ici. Ah ! Et je suis assuré de son concours. Maintenant, mon oncle, c'est le vôtre que je demande. Au commencement de notre entretien, vous me disiez que vous aviez l'intention de retourner rue de Charonne. Pourquoi faire ? N'est-ce pas chez moi ? Où voulez-vous que j'aille ? Je veux que vous restiez ici, ou plutôt que vous considériez que c'est ici qu'est votre chez-vous. Que feriez-vous rue de Charonne puisque vous n'allez pas travailler ? Je ne sais comment vous comptez employer votre énergie pendant le siège, mais quelle que soit votre résolution, il vous faut toujours un domicile. Ici, vous serez avec votre fille, avec votre beau-frère, et voulez-vous me permettre d'ajouter, mon cher oncle, avec votre fils ? Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez parlé de votre projet à Thérèse, et je vous ai répondu non. Mais il y a encore une autre personne qui doit être consultée, c'est... Antoine hésita un moment. C'est Michel, n'est-ce pas ? Interrompit vivement le colonel. Sans doute. Je m'attendais à votre réponse et je n'ai pas d'objection à y faire. Je suis tout prêt à soumettre ce projet à Michel, non pas pour lui demander Thérèse, elle n'est pas encore sa femme, mais pour voir s'il s'opposera à ce qu'elle remplisse le rôle patriotique que je lui destine. Il y a là une nuance, mon oncle, que je vous prie de remarquer. Si Michel approuve ce projet, comme je crois qu'il l'approuvera, rien ne sera plus simple. Au contraire, s'il le repousse, ce sera à vous, le père de famille, de prononcer en dernier ressort, et alors je plaiderai moi-même ma cause contre Michel. Mais comme cette plaidoirie peut en ce moment être inutile, ce n'est pas la peine de l'entamer. Si résolu qu'on soit, on accepte volontiers tout ce qui peut vous tirer d'une situation difficile et délicate. Antoine, après avoir pris en main la cause de Michel, se dit qu'après tout, on pouvait tenter auprès de celui-ci l'expérience que le colonel demandait. Évidemment, c'était un moyen qui simplifiait les choses. « Allons trouver Michel, » dit-il. « Voudrez-vous me laisser prendre la parole ?» demanda le colonel. Cela encore ne pouvait pas contrarier Antoine, assez embarrassé de ce qu'il devrait dire parfaitement. Ils revinrent dans le salon, où Michel et Thérèse écoutaient plus ou moins attentivement les considérations diplomatiques que Soriol faisait valoir en faveur de l'équilibre européen. « Ma chère cousine, » dit le colonel en s'adressant à Thérèse, qu'il regardait, comme si elle espérait lire dans ses yeux ce qui venait de se dire dans ce long entretien, « nous avons tenu un conseil de guerre, mon oncle et moi, mais sans pouvoir nous mettre d'accord. Nous avons besoin de nous adjoindre deux nouveaux membres. Voulez-vous nous céder, ces messieurs ?» Et au regard inquiet qu'elle attachait sur lui, il répondit par un sourire qui disait « Ne craignez rien, tout va bien, comptez sur moi. » « Alors, à tout à l'heure, » dit-elle.